La neige tombe sous les lumières, faisant comme un ciel étoilé, tout doucement flottant dans l'air, comme des milliers d'âmes éthérées. Tous les enfants lèvent les yeux, c'est la grande soirée de Noël, admiratif, fixant, curieux, cette lumière tombant du ciel. Toutes les peines sont oubliées, comme posé au pied du sapin, à côté des petits souliers et des lettres écrites de leurs mains. C'est le grand soir tant attendu, même par tous les enfants malades, le soir où l'on ne pleure plus, où les chagrins sont en balade. Je tombe sous la lumière, éclairant la nuit de luciole, milliers de papillons dans l'air, se posant doucement au sol. Les toits se couvrent de coton, comme pour faire des nids douillets. Les yeux ébahis des poupons brillent comme des feux follets. Ce soir les enfants dormiront avec des rêves plein la tête. Demain les cadeaux deviendront l'étendard de ce jour de fête. La neige tombe doucement, se fixant aux arbres, aux sapins, et recouvre d'un manteau blanc, d'un air de fête, tous les chemins. Je tombe sous les lumières, faisant comme un ciel étoilé, tout doucement flottant dans l'air, comme des milliers d'âmes éthérées.